Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Dream Theater avec son album Live Once in a Lifetime, double album live sorti en 1998, enregistré à Paris, sur lequel on retrouvait le line-up de l'album Falling Into Infinity, bien entendu Mike Portnoy à la batterie, Derek Sherinian au clavier, John Petrucci, James Labrie et à la basse John Myung. Donc du bon rock, du progressif également dans Overdrive, puisqu'on aura le groupe Emeroplan qui nous appellera pour une petite interview pour nous parler de leur dernier album High Tide. Donc si vous êtes fan de groupes comme Clone ou alors Catatonia ou même Carnival, vous devriez adorer ce dernier album. Pour l'heure, on commence avec du bon vieux rock qui déménage. Le groupe The Answer d'Irlande du Nord nous revient plus en forme que jamais avec son dernier single Want You to Love Me, et vous écoutez toujours Overdrive. Once again into the dust, just trying to find some loving people I can trust. And I still believe in the man behind the face. I just need to find a path that I can trace. I want you to love me like I'm a slave to your life. And I need you to love me just like a whale on the beach whisper something out of reach. Allô. Radio Dieu, bonsoir. Ici Martin d'Overdrive. Sans transition, on est directement à l'antenne. Tu nous appelles pile au bon moment pour démarrer l'interview ce soir. Donc merci à toi. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup. Eh bien écoute, tu viens nous présenter ton groupe Emeroplan pour la sortie de cet excellent dernier album sur la clonosphère. Ça voit le jour aujourd'hui même, High Tide, le 3 février 2023. High Tide par le groupe Emeroplan. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet, pour vous présenter rapidement, vous nous venez de du sud-ouest à peu près de non, pas vraiment, on est de Tours à proprement parler, on est vraiment en plein milieu pour le coup. Ah, en plein milieu, alors plutôt oui, Tours, du côté de donc Tours, plutôt quand même un peu l'ouest de la France pour nous, on est quand même du côté de Saint-Étienne. Oui, oui, oui. Tout ce qui est passé Clermont-Ferrand pour nous, c'est l'ouest de la France. Oui, c'est comme les Marseillais, au-dessus de Lyon, c'est le Nord. Exactement, exactement. Donc, vous nous jouez une musique assez progressive, mais qui ne se veut pas rébarbative ou démonstrative pour autant. Vous êtes influencé à la fois par des groupes comme Clone, dont vous sortez sur le label un peu mère, la Clonosphère, et puis également des groupes comme Carnivool ou même Catatonia pour bien sûr les ambiances assez éthérées. Est-ce que tu es d'accord avec la description du projet ? Ouais, tout à fait. Et puis même, ce serait difficile de te faire mentir dans la mesure où ne serait-ce que avant-hier, mercredi soir, on est monté depuis Tours, parce que c'est pas très loin. On est monté à Paris au Bataclan avec Pierre, qui est le guitariste du groupe. On est allé voir Carnivool et The Ocean, qui sont cités comme des influences du groupe. Bon, c'est pas un hasard. Hein. On en a mangé de certaines quantités. Donc, en effet, ce serait hypocrite de dire qu'on n'est pas du tout influencé par ce type de groupe. Oui, la description est complètement exhaustive, je pense. Ok. Alors, ce qui saute tout de suite aux oreilles en écoutant ce projet, puisque même si vous aviez déjà eu quelques sorties, on reviendra dessus auparavant, c'est la maturité des compositions, de la production également. Donc, est-ce que tu pourrais revenir justement sur ce qui est mené ces dernières années ? Est-ce que c'est des morceaux qui sont par exemple nés du confinement que l'on entend sur cet album High Tide ? Alors ouais, tout à fait. Sur cette période-là, bah, en fait, on est rentré sur la période du confinement avec un certain nombre de d'ébauches plus ou moins terminées. On avait à cette époque-là des certitudes sur des morceaux qui, au final, ont été justement complètement chamboulés par cette période-là, puisqu'on a vraiment profité de cette période-là, et moi le premier, pour remettre le nez dans ce qu'on avait déjà fait et de ce qu'il restait à faire. On avait déjà cet objectif d'album, on avait déjà une idée des titres qu'on voulait jouer. C'est complètement sur cette période de pandémie que je me suis vraiment penché sur les textes et que j'ai fait le nécessaire pour avoir une espèce de trame narrative qui soit cohérente du début à la fin de l'album. Ça m'aidait à la fois pour écrire et à la fois pour vraiment imaginer le reste des ambiances. Les textes nous ont d'ailleurs permis ensuite, donc post-confinement, mais toujours dans la période de pandémie, puisque ça dure un certain temps quand même, toujours post-confinement, d'aller affiner certaines choses qui avaient déjà été imaginées en rapport avec les textes, tout en rajoutant du leitmotiv par-ci par-là. Et en effet, la production nous a beaucoup aidé, même les périodes d'enregistrement, dans la mesure où on a travaillé avec Fabien Deveau, qui travaillait déjà auparavant avec Acryl, puis avec Stephen Fluid, qui nous a beaucoup aidé et conseillé pendant la période d'enregistrement, surtout des batteries, puisque c'est sur cette période-là qu'on a passé le plus de temps avec lui. Bien entendu. Alors, tu nous parlais un petit peu de l'idée de la trame narrative, du concept. Est-ce que pour toi, cet album High Tide est un concept album ? Pour moi, oui. C'est-à-dire qu'on a voulu intégrer ce leitmotiv dont je parlais tout à l'heure, et à la fois en termes de thème de paroles, et à la fois en termes de thème musical, dans la mesure où il y a un petit arpège mineur. Alors, c'est très simple. On n'a pas non plus voulu penser trop gros et au final se noyer dans trop d'informations et rendre un album qui soit pas digeste ou alors qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc ce qu'on a préféré faire, c'est de partir d'un événement très simple, en tout cas d'un événement musical très simple, qui nous permettait d'articuler tout le reste autour. Donc en effet, dans la manière d'appeler un concept album, en général on a cette idée d'avoir une continuité musicale et une continuité textuelle. Là en l'occurrence, on a essayé de faire les deux, même si je pense qu'on peut être beaucoup plus, encore bien plus ambitieux à ce niveau-là. Et est-ce que tu pourrais développer un peu ce thème qui est mis en lumière sur cet album ? Ouais, tout à fait. Alors le thème narratif, le thème au niveau des textes, va vraiment parler de manière très vaste et générale de tout ce qui va être addiction, dépendance. Il a été pensé dans un premier temps vis-à-vis de l'alcoolisme, des dépendances aux drogues. Puis en fait, en voulant parler dans un premier temps, avant de penser aux drogues diverses et variées, le fait de parler vraiment d'alcool nous a fait partir vers un personnage qu'on a nommé dans l'album, qui est vraiment un interlocuteur du narrateur dans les textes, qui s'appelle Ethan, pour en fait faire le lien avec l'éthanol, tout simplement la molécule de l'alcool, pour ensuite bifurquer aussi, puisqu'Ethan est également un prénom biblique, donc ça nous permettait ensuite d'intégrer un petit peu les religions là-dedans et de faire quelque chose d'assez global pour aborder au final de très très loin la narration avec un aspect poétique, se détacher vraiment du plus possible du fond pour vraiment travailler la forme et laisser un petit peu libre cours à l'imagination concernant le texte. On ne voulait pas quelque chose de trop littéral. Ouais, il faut arriver à, j'imagine, lorsqu'on garde une histoire comme ça, arriver à construire des métaphores, ce qui est quand même un point essentiel dans la musique progressive, et puis dans la musique en général. Sinon, on reste forcément sur du figuratif, et c'est pas toujours très poétique, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été faites, puis même d'un point de vue confort, en fait. Moi, c'était la première fois que j'écrivais vraiment des paroles pour un projet, entre guillemets, aussi sérieux que celui-ci. Donc, je voulais pas aller trop loin et ou me tromper. Je voulais à la fois quelque chose d'ambitieux et en même temps avec des lignes assez claires pour ne pas me disperser et être vraiment sûr de pas ni oublier des pans du sujet, ni aller trop loin tout en oubliant l'essentiel. Vraiment, le but était d'avoir, en tout cas pour moi, dans ma démarche d'écriture, d'avoir à la fois quelque chose d'intéressant avec des thèmes que j'ai envie d'aborder et en même temps quelque chose de rassurant qui me permette de pas me perdre sur le processus créatif. Voilà. Et moi, maintenant, d'un point de vue de la musique, comment est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est parti justement de jam ou alors de plutôt de fichiers qui pourraient être, on va dire, partagés, comme ça se fait beaucoup maintenant dans les groupes par Internet et tous les moyens qu'il existe de nos jours? Bah, nous, en l'occurrence, on est vraiment très peu vieille école à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui sont quand même nés de jam. Je pense à la partie un petit peu djent prog sur These Walls qu'on a travaillé en répète et qui est vraiment venue c'est vraiment une partie qu'on a écrite sur tableau avant de la jouer et on a jamais un petit peu ensemble dessus. Mais sinon, la base même de tout ce qui a été enregistré sur cet album, à part quelques très rares exceptions, parce qu'il y a des choses qu'on a revues pendant les enregistrements, mais à part ces quelques exceptions-là, tout vient de Projet Logic. C'est des choses qui ont été prévues en amont, où j'ai tout travaillé en amont chez moi. Ensuite, il peut nous arriver de jammer sur les choses que moi j'ai commencé à travailler, puisque l'idée n'est pas de faire un groupe où on joue la musique créée par un seul. L'idée était quand même d'avoir une ligne directrice un minimum et en même temps d'apporter un petit peu l'identité de tout le monde en travaillant dessus. Donc c'est un petit peu des deux, mais par contre rien n'est entièrement né du néant. On a vraiment en général toujours travailler les choses avec de la matière en amont. Ouais, et puis j'imagine que dans un style comme ça, ça vous permet également de prendre un peu du recul sur ce que vous voulez créer. Ouais, c'est clair. Et puis même d'un point de vue jouage réel, ça change tellement de choses, puisque entre les maquettes parfois qui ont été pensées dans un cadre de bureau chez soi et ce que ça donne en conditions de répétition avec les sons de chacun, avec les libertés de chacun aussi, ça nous permet parfois de repenser certaines choses sur lesquelles on avait arrêté des certitudes qui au final ne sont pas légitimes. Et inversement, parfois certaines choses qu'on pensait être libres une fois vues en répétition, on se rend compte qu'elles ne doivent pas être libres et qu'elles doivent à tout prix être écrites pour qu'on garde l'essence même de ce qui avait été pensé, et y compris de l'efficacité, parce qu'on peut vite se perdre aussi, notamment dans les ambiances. Le prog est quand même assez ouvert à ce type de digression. Ouais. Et puis, ce qui m'a un peu, on va dire, interloqué à l'écoute de cet album, c'est que vous ne cherchez pas forcément, on va dire, comme je l'ai dit, le côté démonstratif, le côté technique, même si j'imagine que votre musique est quand même loin d'être facile à interpréter, à jouer et à chanter. Néanmoins, c'est pas ce que vous avez voulu mettre, on va dire, le plus en avant quand je compare à des groupes qui peuvent faire de la musique très intéressante aussi, qui ont un côté un peu plus démonstratif. On retrouve néanmoins quelques, bien sûr, solos de guitare, etc. Mais ceci s'insère plus dans le cadre d'une composition, d'une chanson, que, on va dire, dans un automatisme. Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu? Ouais, c'est complètement voulu, dans la mesure où moi, à la base, et je sais que je suis pas le seul dans le groupe, je suis davantage de l'école progressive qui se veut un petit peu plus ambiante et un petit peu plus éthérée, et pas forcément toujours démonstrative. Alors j'aime bien aussi quand ça peut être démonstratif, mais j'aime bien avoir le choix. Même dans ce que j'écoute, moi je sais que dans des projets qui peuvent partir vraiment dans tous les sens et qui du coup laissent au final assez peu de lignes conductrices, de fil conducteur qui nous permettent de respirer parfois à certains moments. Moi, je sais que je me retrouve pas forcément là-dedans. Donc, on avait besoin de cet entre-deux, et c'est pour ça que, notamment dans les influences qui sont citées, on va retrouver des choses qui m'inspirent à ce niveau-là. Donc, en effet, enfin, qui nous inspirent d'ailleurs. Carnival, The Ocean, même Clone ou Catatonia ou même Opeth dans une autre mesure. On est vraiment sur des groupes qui, pour certains, alors peut-être plus Opeth parce qu'en plus de ça, la période est très très très large, peuvent avoir ce côté-là très démonstratif et en même temps, s'ils décident de faire un album clean où il se passe rien, d'un point de vue technique, entre guillemets, ou en tout cas démonstratif à proprement parler, on le fait parce qu'on a envie de le faire en fait. Nous, on partait de là. C'était vraiment cette idée-là de pas forcément faire de la démonstration, déjà parce que je pense que on connaît déjà plein de gens et plein de projets qui font ça mieux que nous. On n'avait pas forcément envie d'avoir à se comparer dans la mesure où la quête de la technique, la quête de la démonstration, au final, on la perd toujours, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui fait ça mieux que nous quelque part. Et pour moi, pour être créatif et pertinent, il fallait justement prendre un petit peu le contre-pied, alors sans forcément faire de la musique simpliste, comme tu le disais tout à l'heure, mais de faire quelque chose qui soit peut-être plus accessible, pas forcément par volonté de rendre ça populaire à proprement parler, mais plus pour rendre le projet digeste et que tout le monde puisse se sentir touché en étant à la fois éduqué. Si on veut être éduqué, on peut y trouver, je pense, certaines choses dans notre musique, tout comme si on n'est pas du tout éduqué à la musique progressive, je pense qu'on peut quand même accrocher à certaines choses qu'on a pu faire. L'idée était à la fois d'être un peu spécifique et universel à la fois. Je pense que tu as bien résumé le truc. Et puis, de toute façon, l'important, c'est de ne pas se mettre de barrières non plus. Et puis de laisser, on va dire, le projet grandir au fur et à mesure des envies et de ce que devient tout simplement le groupe. Lorsqu'on écoute un petit peu votre musique, on sent qu'il y a quand même une tendance parfois à même si on joue beaucoup sur les ambiances, comme tu l'as dit, dans Hemeroplan, mais on sent qu'il y a quand même une volonté à donner quand même de bons gros riffs de temps en temps. Est-ce que ce serait, à ton avis, une direction dans laquelle vous pourriez aller un peu plus loin? Alors justement, aujourd'hui, on teste plein de choses, puisque déjà le recul qu'on a eu sur la création de l'album et sur les enregistrements, les étapes qui sont toujours très très longues, entre le début des maquettes, l'enregistrement, le mixage, puis le mastering, puis ensuite la période de distribution, tout ça prend énormément de temps. D'ailleurs, les pistes ont été enregistrées pour la plupart, en tout cas, on a commencé à enregistrer il y a un an et demi. Donc aujourd'hui, on a déjà un peu de recul à ce niveau-là. Je pense qu'on a déjà un petit peu de visibilité sur ce qui marche et sur ce qui marche moins, ou en tout cas, ce pourquoi on est bon et ce pourquoi on est moins bon, parce que je pense que c'est plus de ça dont il s'agit. À ce moment-là, on a vraiment plusieurs pistes qui s'offrent à nous. Le côté un peu plus riff fonctionne, mais à mon sens, on devrait, et c'est un petit peu ce vers quoi on est en train de se diriger, parce qu'il y a déjà, je te le cache pas, déjà un certain nombre de trucs qui sont écrits et sur lesquels on travaille actuellement. On essaye, je pense, peut-être plus de libérer de l'espace niveau guitare, quitte à laisser un peu plus de place de riff à la basse. Aujourd'hui, sur cet album-là, est beaucoup plus en soutien. On aimerait qu'elle occupe une place plus importante, d'une certaine manière, un peu, même si l'instrumentation et le style n'ont rien à voir, mais on est assez inspiré par ce que peut faire Brutus, par exemple, les Belges, qui du coup ont vraiment ce truc-là de guitare plus accompagnatrice et une basse qui va vraiment prendre le rôle de l'assise et du riff, où au final, la guitare même plus besoin d'être doublé dans leur cas. On essaye plusieurs choses. En tout cas, le riff, c'est vraiment une culture qu'on partage, nous quatre. Pierre et moi, on est très, très, très fans de Pantera à la base. Donc, c'est vraiment le groupe du riff par excellence. Je sais que Yann est également très, très fan, en l'occurrence, de choses plus riffées et modernes, dans la mesure où lui est, par exemple, très fan de Dream Theater, entre autres. Ou même Axel qui lui est plus métal moderne. Enfin, on a vraiment cette culture du riff-là qui va rester après à voir quelle forme ça prend. Ce sera pas forcément toujours avec la formule actuelle où la guitare prend le lead avec une basse qui soutient. Ce sera peut-être plus une guitare en soutien et une basse en lead, du coup. Oui, donc c'est-à-dire que la basse assurerait plutôt la narration, on pourrait dire, alors que la guitare serait là pour ornementer, créer des ambiances à partir de cette base. Je te propose maintenant d'écouter un premier titre. Alors, on n'a pas pu se concerter hors antenne pour passer le choix de morceaux. Donc, dans Overdrive, quand on fait une interview, en général, c'est en deux parties, entrecoupées d'un morceau diffusé, avec après, à la fin de l'interview, un deuxième morceau qui est diffusé. Okay. Alors, je sais que vous avez déjà diffusé certains morceaux, certains clips, dont on parlera d'ailleurs en deuxième partie d'interview. Est-ce que vous avez un choix pour diffuser déjà et mettre en avant ce soir à l'antenne ? Bah, en l'occurrence, peut-être un morceau qui n'a pas apparu en tant que single, histoire de pouvoir aussi mettre un petit peu la lumière sur les morceaux qui sont pour l'instant moins écoutés, puisque l'album est vraiment sorti aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on peut proposer Six Feet Over, en l'occurrence, je sais qu'il avait pas mal plu sur la journée, on a eu pas mal de retours à ce sujet-là. Donc d'accord. Eh ben ouais, moi j'aime bien The Cold aussi, mais Six Feet... Également, il fait pas partie des singles, ça peut être celui-ci aussi. Ok, bah, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut commencer par The Cold et ensuite, ou plutôt l'inverse ? Je te propose plutôt Six Feet Over. The Cold en premier, c'est très bien. Six Feet Over, comme ça, donc la quatrième piste, Six Feet Over, et en deuxième diffusion, après la deuxième partie d'interview, ce serait The Cold. Est-ce que ça te va ? Très bien, on fait comme ça. Allez, bah c'est parti. On envoie la musique. Ce sera extrait de cet album High Tide par le groupe Emerald Plan, Six Feet Over, et tu nous expliqueras un petit peu le pied de nez, le jeu de mots qu'il y a sur les paroles, et bien juste après le morceau. Six feet Yes, Emeroplan, tout de suite avec son album High Tide. Donc, est-ce que tu nous entends toujours bien à l'antenne? Oui, toujours, tout à fait. Eh bien, encore une fois, bravo à vous pour le super boulot sur cet album. C'était Six Feet Over, l'album sort aujourd'hui même sur la Clonosphère. Tu es là pour en parler avec nous. Donc, justement, Six Feet Over, moi je connais Six Feet Under. Est-ce que tu peux développer un petit peu le jeu de mots qu'on a ici? Ouais, tout à fait. Bah, c'était comme j'expliquais tout à l'heure, au sein même de la narration qui englobe tout l'album, ce morceau-là intervient du coup dans une phase de l'album où le personnage est complètement sous emprise, en fait. Il est même complètement en dépersonnification, c'est l'idée. Moi, ce que je voyais là-dedans au moment de l'écriture des textes, c'était justement cette vue depuis son propre plafond à se regarder lui-même. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette idée de justement prendre le contre-pied avec la fameuse expression qu'on peut employer en français aussi, six pieds sous terre. Là, je voyais l'idée depuis le dessus, de voir vraiment se voir soi-même décrépir plus ou moins. Et c'est d'ailleurs le thème hein, qui est vraiment tout au long du texte. Lorsque plus tard, je dis par exemple... Spider on my bust already made its net. Il est vraiment question que le personnage est tellement mort que les araignées ont déjà commencé à faire leur toile sur lui-même, quoi. Il y a vraiment ce truc-là d'emprise, d'immobilisme et de se voir par le dessus. Ça m'a fait également penser à l'époque lorsque j'ai écrit à une scène de Breaking Bad où Jesse et sa copine sont complètement sous héroïne, et il y a une scène qu'on voit où le corps se lève depuis le lit et la scène est vue du dessus. J'ai pensé à ça lorsque j'ai écrit le texte, c'est pour moi vraiment, vraiment lié. Ouais, j'imagine que là, tu as pris le bon exemple pour on va dire, illustrer l'addiction sous toutes ses formes. Vous avez eu la bonne idée de sortir, bien entendu, une vidéo pour cet album avec le morceau Towards the Abyss. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là aussi sur le concept, puisqu'il y en a un derrière les images, et c'est pas simplement, on va dire, le groupe en train d'assurer la musique, même si ça peut être très cool également. On a quand même là aussi un côté un petit peu illustré, un petit peu, on va dire, conceptuel. Et il me semble que le clip a reçu une récompense. Donc je te laisse présenter tout ça. Ouais, donc en effet, on avait plusieurs possibilités pour les clips de l'album, et au final, d'un point de vue graphique, c'est celui qui nous semblait le plus intéressant, dans la mesure où cette espèce d'idée de Tower of the Abyss, vraiment au bord de l'abîme, il y avait cette idée de contre-champ déjà qui était évidente. Donc on avait déjà, on en a discuté avec la personne avec qui on a fait le clip, qui s'appelle Timmy Macaire, qui a été super avec nous d'ailleurs, qui s'est investi énormément et qui nous a proposé des solutions à absolument tous les problèmes et tout ce qui nous faisait des nœuds au cerveau à l'époque, qui nous a proposé des plans, des idées. C'est lui qui a eu l'idée de tourner à Ekrota, notamment pour ce côté de falaise. C'était hyper hyper pertinent. On a travaillé avec Michael, du coup, qu'on connaît également parce qu'il joue dans un groupe qui s'appelle Dérive, avec lequel joue Yann, notre batteur. Donc c'est vraiment que des gens qu'on connaissait déjà, avec lesquels on a décidé de travailler vraiment dans cet esprit de déjà d'avoir quelqu'un qui sache jouer, c'est-à-dire que Michael est acteur, parmi d'autres activités, il est acteur, Timmy est réalisateur, donc on n'avait pas besoin de bidouiller, de faire ça avec les moyens du bord, comme on dit. Là, en l'occurrence, on avait déjà les moyens entre les mains, donc on a mis en place tout ça. On avait besoin, et pour des raisons évidentes, de premier clip, on avait besoin qu'on nous voit, il fallait qu'on voit nos visages, il fallait également qu'on puisse avoir des solutions pour que ce soit pas que un clip live, parce que sinon en effet on perd en intérêt narratif. Là, il y avait vraiment ce but d'avoir en effet une trame sur laquelle les membres du groupe et ses vues pendant le clip influent presque sur ce que vit le personnage, avec ses idées de mer qui monte et nous qui sommes sous l'eau sur certains plans. On a vraiment cette idée là du coup qui va vraiment qui nous intègre en fait à la narration du clip. Donc vraiment là en l'occurrence, ça correspond au morceau qui se situe à la toute fin de l'album, qui lui en fait nous pose dans la situation où on est vraiment entre guillemets en train de se déplacer et de se séparer de l'addiction, Et donc on fait face au manque, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le refrain, de se retrouver vraiment démuni, comme dirait Frodon Sacquet, nu dans les ténèbres. On est vraiment dans cette situation-là, ouais, on est complètement démuni. C'est pour ça qu'on voulait ce côté-là, un peu de peau morte, de tout ce qu'on a fait avec du latex liquide et tout. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour avoir ce côté vraiment, vraiment réel de la fin de l'addiction, où on subit vraiment juste le manque. L'addiction n'est plus là, mais nous en sommes encore là. Donc ouais, en effet, il y a eu également des prix, puisque Timmy a été également de bons conseils pour la suite. Il a fait soumettre le clip à un certain nombre de concours. On a reçu deux récompenses pour un festival indien qui nous a donné la palme, tout simplement la palme de meilleure réalisation, de meilleur clip. Et on a eu la même chose avec les Europe Music Awards. Bon, ça n'a rien à voir avec Energy, évidemment, pas du tout le thème, mais on avait également été primé pour le clip via un autre organisme en Europe. Donc on était à la fois, nous, très contents du résultat, mais c'est vrai que ces résultats de concours aussi nous confortent dans le fait que non seulement c'était le bon morceau à clipper, mais surtout qu'on l'a fait de la meilleure des manières. Alors tu vois, je savais pas vraiment qu'il y avait une on va dire des festivals qui récompensaient les clips de métal ou de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est vrai qu'on en voit beaucoup de nos jours, hein. Et puis on a certains qui sont malgré tout très bien réalisés, puisque maintenant on le sait tous, hein, c'est un gros moyen de promotion. Voilà. Alors quel est ton point de vue là-dessus justement ? Est-ce que tu es plutôt pour de l'école qui dit que la musique doit se suffire à elle-même, ou est-ce que pour toi, on va dire que c'est un plus par rapport à l'expérience sonore et auditive ? Bah, pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, dans la mesure où, d'un point de vue purement idéologique, en étant musicien, j'aurais envie de te dire que la musique doit se suffire à elle-même. Après, de l'autre côté, pour plein d'autres raisons, et aussi par l'évolution qu'a pris la manière d'écouter de la musique, ne serait-ce qu'avec l'avènement de YouTube il y a entre 15 et 20 ans, ça a forcé un petit peu les gens à associer de la musique à une image, une vidéo. Qu'on avait, même c'est plus vieux que ça, on pourrait monter jusqu'à Thriller de Michael Jackson. C'est vraiment l'avènement du clip qui a rendu peut-être presque indispensable l'image à la musique. Alors après, on peut en effet, et sur plein d'aspects, on peut imaginer faire de la musique et refuser le clip, mais à ce moment-là, je pense que ça doit s'intégrer au concept d'avoir quelque chose peut-être qui supprime l'esthétique, tout comme certains groupes peuvent jouer derrière des rideaux sur scène. Nous, c'était pas notre cas. Donc on a vraiment choisi d'avoir de l'image, également parce qu'on a travaillé avec Vade Retro pour tous nos visuels, et y compris avant la sortie de l'album, sur le premier EP, on avait déjà travaillé avec eux, et ils ont toujours été d'une grande aide et d'une grande richesse de propositions concernant les maigres idées qu'on avait à leur fournir. Ça nous a pas mal aidé également à imaginer des scénars de clips et à imaginer un petit peu ce à quoi ça devrait ressembler. Donc d'un point de vue idéologique, de base, oui, je pense que la musique devrait suffire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue de l'écouter sur les plateformes de stream notamment, où il n'y a pas de clip. Je pense à Spotify, que quasiment tout le monde utilise aujourd'hui. Et en même temps, ne pas avoir de clip, ne pas avoir le visage des gens, etc., ça peut être handicapant pour pas mal de gens. On en connaît aussi qui ont du mal à s'identifier à de la musique sans savoir quels sont les visages derrière. Donc, pour moi, il n'y avait pas de choix à faire, c'est ce pourquoi on n'en a pas fait. On est resté à la fois sur de la musique où on nous voit un petit peu nous, et en même temps, on voit Michael pour l'acting, et on aurait tout aussi bien pu, et ça a été réfléchi, il n'est pas exclu que ça se fasse, faire un clip ou juste des bouts de visuels sur lesquels il n'y ait pas de visage, il n'y ait personne, ce soit juste un peu plus conceptuel, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il faut quand même se rendre à l'évidence que, d'un point de vue commercial, ne pas justement être présent d'un point de vue visuel par des clips, les réseaux sociaux et compagnie, c'est quand même très très difficile de nos jours, ne serait-ce que pour sortir un album, trouver des concerts et faire exister tout simplement le projet. Hein. D'autant plus, ouais, c'est vrai que ça peut être tentant et faisable pour des groupes qui sont déjà très implantés et qui n'ont plus rien à prouver à personne, qui sont là depuis 30, 40, 50 ans. Quand on débarque dans un milieu qui est difficile, et encore plus post-Covid, puisque beaucoup de choses se sont un petit peu cassées la gueule, prendre le relais aujourd'hui avec un nouveau projet qui sort entre guillemets de nulle part, puisqu'il y a peu de matière en tout cas, arriver sans clip, c'est quasi suicidaire. C'est compliqué de se vendre et d'avoir la possibilité, ne serait-ce que de jouer en concert, sans avoir ce type de matériel. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, tu le vois, quand, si on fait le parallèle avec, bien sûr, une époque différente, Metallica, sur les trois premiers albums, ils avaient toujours refusé les vidéos. Ils l'avaient fait ensuite à partir de l'album Injustice for All avec One. Ouais, bon, après, fait. Depuis, ils se sont quand même bien rattrapés. Voilà, mais bien sûr, quand on écoute un Kill Em All, on se dit pas oh, bah, c'est con, il y a pas d'image. Et malgré tout, on prend une claque quand même. Alors bien sûr, je suis super d'accord avec toi. Il y a quand même des, et puis Towards the Abyss le montre aussi. On a quand même quelque chose de très cool et qui convient bien avec la musique. Est-ce que vous avez d'autres justement d'autres plans pour proposer une autre vidéo de l'album? Ouais, on a plusieurs idées. Après, c'est forcément aussi lié pas mal à des conditions financières, donc on réfléchit pas mal à ça, puisqu'il y a plusieurs possibilités, mais il faut aussi que ce soit réalisable. Donc on a plusieurs idées, plusieurs morceaux en tête, donc ce serait difficile de t'en donner un immédiatement, puisque si je te dis qu'on clipe tel morceau et qu'en fait dans 3 mois il y a un clip qui sort et que c'est pas celui-ci, ça marcherait moyen. Mais oui, c'est prévu. On voulait pas rester sur une seule vidéo. De la version acoustique, c'est prévu aussi. Pas sur n'importe quoi et dans des conditions qui soient correspondantes également. C'est-à-dire que si on doit faire une version vidéo d'un morceau acoustique, il faudra que le morceau s'y prête. Et ce sera pas juste pour dire on a fait une version acoustique de tel morceau. Ce sera pour dire on avait une version à proposer de ce morceau-là de cette manière-là. On avait un joli cadre et des instruments qui correspondent pour le faire, donc on l'a fait. Mais on le fera jamais par défaut. De la même manière qu'on a clippé Towards the Abyss, mais on n'aurait pas clippé n'importe lequel. Il y a d'autres morceaux qui, pour nous, auraient été moins pertinents à clipper, soit par le texte qui est énoncé, parce que du coup, ce serait peut-être moins figuratif et moins visuel. Là, en l'occurrence, ne serait-ce que le titre était déjà évident pour nous, pour vraiment visualiser ce côté de falaise, de contre-pied, de contre-champ, de tout, en fait. La mer, ça parle toujours énormément. Et puis, comme on parlait de The Ocean tout à l'heure, ça fait partie des influences. Forcément, et puis même sans parler de ce groupe-là, l'océan est toujours une source d'inspiration vraiment vaste, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de clipper. Ouais. Et puis vous faites une musique un petit peu justement éthérée, et donc du coup l'élément eau vient, à mon avis, bien compléter et illustrer ce que vous faites d'un point de vue musical. Ouais, tout à fait. Ça se retrouve jusque dans la couverture de l'album. Ça s'appelle High Tide, ça veut dire marée haute. On a vraiment cette idée de noyade, de submersion. C'est vraiment le thème au final. Et puis ça allait très bien avec cette idée d'alcoolisme et de surdose, d'avoir cette marée qui monte, qui soit incontrôlable. Ça faisait vraiment partie des idées. Donc pour nous, c'était vraiment évident de vraiment d'appuyer sur ce thème-là. Ouais. Alors maintenant, on en parlait tout à l'heure, où est-ce que vous en êtes des nouvelles compositions? Est-ce que vous avez beaucoup de choses établies? Est-ce que vous avez commencé justement à enregistrer de manière sérieuse, même si, tu nous l'as dit tout à l'heure, vous avez quand même beaucoup de projets sur Logic? Oui, t'avais pas fini ta question. Mais vas-y. Oui, ce que je voulais dire, du coup, bah, en effet, on est vraiment sur cette phase de création, là en l'occurrence. On n'est vraiment pas sur la partie enregistrement définitif. Je pense qu'on va devoir de toute façon se fixer des dates pour pouvoir s'obliger à être efficace, parce que sinon le processus de création peut reprendre énormément de temps. Je pense que si on s'impose des dates dès le début, ça va nous obliger à tenir un certain rythme. Là en l'occurrence, on a déjà de la matière. On ne sait pas encore exactement sous quel format. On hésite. On pense que ce sera peut-être plus un EP qu'un album la prochaine fois. Pour des questions d'efficacité, pour des questions de coût aussi, parce que ça coûte vraiment pas la même chose, évidemment. Pour des questions de... Quand je dis efficacité, c'est lié également au timing. L'idée est de pas mettre trop longtemps avant de ressortir quelque chose, pour toutes ces raisons-là. Mais en tout cas, oui, il y a un certain nombre de morceaux sont déjà maquettés. Il manque encore pas mal d'événements, et d'ailleurs, on se voit dimanche pour préparer la release partie du Temps Machine qui a lieu le 9 février prochain à Tours, enfin à jouer les Tours pour être plus précis. On espère également avoir le temps d'aborder les nouvelles maquettes pour pouvoir vraiment entamer ce processus, pas de jam du coup comme je disais tout à l'heure, mais de travail ensemble sur des maquettes déjà construites. Ouais. Et justement, est-ce que c'est un travail que vous faites chacun de votre côté ou est-ce que vous voyez pour en parler en direct? Parce que là, je pense que c'est aussi une façon de travailler différente. Ouais, ça prend plusieurs formes pour ce premier album, pour plusieurs raisons, mais aussi parce que c'est à la base moi qui ai appelé toutes les personnes, enfin tous mes collègues en fait, hein, que ce soit Axel, Pierre ou Yann, à la base c'est moi qui suis allé les chercher. L'idée était aussi de pouvoir leur donner de la matière tout de suite et pas juste leur dire ça vous dit on joue ensemble, mais par contre faut tout faire. Il y avait aussi un petit peu cette idée de bon, on fait quelque chose ensemble, j'ai déjà quelque chose à vous proposer et on va travailler dessus ensemble, mais on part pas de rien. Là, en l'occurrence, pour la prochaine création, on va travailler un petit peu plus librement, dans la mesure où tout ne viendra pas forcément de moi, où on va peut-être un peu plus échanger sur les idées initiales avant de travailler collectivement dessus. Ce qu'on a moins fait sur cet album, même si au final, ce sont des choses qui ont eu lieu, puisque notamment le confinement nous a mis encore 3 mois de retard pour les enregistrements de batterie, donc ça nous a laissé le temps de réenregistrer, de recréer un certain nombre de choses. Donc on a quand même eu ce processus de recréation d'une certaine manière, mais là on aimerait le prendre en amont et de faire un petit peu participer tout le monde pour que chacun de nous soit un petit peu représenté dans cette musique-là. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, puisque là on a quand même un projet quand même super mature, super sérieux, super bien produit, et donc à mon avis pour la suite ça peut augurer que du meilleur, avec à mon sens là aussi une certaine amplitude qui peut s'opérer, avec des passages qui pourraient être à mon sens un peu plus acoustiques, ou alors plus viscéral et plus violent, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui développe une énergie lourde, encore plus marquée. Donc ça pourrait être... Je pense qu'on devrait tirer un petit peu des deux côtés, d'avoir à la fois quelques éléments plus violents que ce qui existe aujourd'hui et peut-être quelques éléments plus calmes que ce qu'on a fait jusqu'ici également. Ouais, je pense que c'est vraiment élargir, ouais. Élargir un peu le spectre de ce que vous faites, ce qui est déjà très large. Il faut quand même le rappeler, sur cet album, on a des passages éthérés et puis d'autres qui sont là aussi plus marqués sur les morceaux qui sont peut-être un peu plus longs et qui permettent justement de développer plusieurs ambiances. Ouais, tout à fait. Après, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille aussi. L'idée de longueur, c'est vrai que c'est à la fois une difficulté et une facilité. La facilité dans la mesure où plus le morceau est long, plus ça nous laisse le temps de développer les idées. Et en même temps, c'est une difficulté, puisque faire des morceaux très longs, ça veut aussi dire que les clips sont eux aussi plus longs et du coup moins faciles à imaginer, demandent plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent aussi, plus de monde. Ce sont beaucoup de difficultés qu'on peut s'ajouter, donc pour plein de raisons, et aussi pour gagner en efficacité musicale, puisque je pense qu'on peut développer toutes ces nuances-là sans forcément faire traîner tous les morceaux à longueur. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on fera plus de morceaux qui traînent un petit peu. Par contre, peut-être qu'on sera peut-être un peu plus rigoureux quant au fait de faire durer un morceau. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire durer pour y mettre tout ce qu'on a envie d'y mettre? Ça fera partie des questionnements, et ça fait déjà partie des questionnements en fait. Hein. Je ne fais pas d'exclus, on en a déjà discuté ensemble avec le reste du groupe. C'est vraiment des choses sur lesquelles on aimerait travailler. Ok, en tout cas, maintenant on peut passer, à mon sens, au deuxième morceau pour ce soir, avec The Call, donc le morceau que j'avais choisi. Est-ce que tu peux revenir sur, justement, sur cette composition-là, sur la musique, hein, par rapport à ce qu'on a entendu précédemment? À mon sens, on est quand même un petit peu dans la même ambiance. Ouais, tout à fait. Bah, c'est le morceau qui nous a peut-être demandé, enfin l'un des deux ou trois morceaux qui nous ont demandé le plus de travail. Ce morceau-là est peut-être le premier ou le deuxième qui a été maquetté dans le processus de création de cet album-là. On a vraiment mis beaucoup de temps à mettre les choses les unes avec les autres, puisque dans la composition, c'était assez fouillis au départ. C'était vraiment « j'aime bien ce riff-là aussi ». Bon, bah ça fait une compo, oui, mais ça marche pas comme ça. Et puis, on travaille sur quelque chose, on se revoit 2 mois après, et puis en fait, on n'est plus du tout d'accord. Donc, on a repris un certain nombre de choses en main. Le morceau est assez long, il est assez dense aussi, mine de rien, puisque même en étant long, il s'y passe beaucoup de choses. Ça a été beaucoup d'efforts pour nous de travailler là-dessus, et aussi parce qu'il y avait tout à faire en fait. Les parties de couplets à la base étaient beaucoup plus épurées. Ça demandait une réécriture complète de l'organisation de la guitare qui accompagne beaucoup plus, qui soit moins en retrait, mais qui soit vraiment en question-réponse presque avec la voix. Ce sont des choses qui nous ont demandé beaucoup de temps et aussi un peu de maturité, parce que comme c'est pour la plupart d'entre nous un premier projet de création avec autant de mise à l'épreuve et aussi d'investissement, on n'avait pas vraiment de quoi se raccrocher en termes d'expérience pour se dire « Ah, mais c'est ça qu'on doit faire, c'est évident, on doit partir dans ce sens-là ». Donc ça nous a demandé beaucoup de travail puisqu'on a dû essayer plein de choses avant d'arriver à cette forme définitive. Alors du coup, ça fait qu'on en est super heureux puisqu'on a trouvé quelque chose qui nous allait à tous, mais ça a pris énormément de temps. C'est peut-être le morceau qui nous a pris le plus de temps, pas forcément le morceau qui nous a demandé le plus de difficultés, qui nous a donné le plus de difficultés, mais peut-être celui sur lequel on a passé le plus de temps dans tout cet album-là, qui fait qu'il est à la fois très très condensé et en même temps, je pense, plutôt bien construit au final par rapport à ce qu'on avait à la base, avec vraiment quelque chose d'assez limpide, des parties qui s'enchaînent plutôt bien, parce que c'est vraiment ce qui nous a vraiment demandé le plus d'énergie à ce moment-là. Ok, ben je te propose d'envoyer la musique extrait du premier album complet de Emeroplan, High Tide, qui voit le jour ce jour même du côté de la clonosphère. Si vous aimez justement Clone, qui devrait d'ailleurs sortir un excellent nouvel album dans les prochaines semaines. Meanwhile, on en repassera un peu plus tard. Si vous aimez Carnival, Tool, Catatonia ou même le OPF dans sa partie un petit peu plus progressive, non pas métal extrême, mais progressive, vous adorerez Emeroplan et ce superbe album. On s'envoie ça tout de suite avec le morceau Vocal. Je te remercie encore une fois pour l'interview ce soir. Avec plaisir, merci à toi. Et on espère vous voir du côté de Lyon ou même Saint-Étienne dans les prochains mois. C'est en projet, on a des contacts, ça va se faire. Eh bien, on sera là pour vous applaudir. Vocal tout de suite avec Emeroplan, encore une fois, merci. Merci à toi. Encore une fois, bravo au groupe Emeroplan pour ce fantastique premier album, The Call des Influences, Clone des Influences, également OPEF sur les parties de lead guitar qui se trouvent. La fin du titre, c'est un véritable régal. On continue avec le groupe Grave Pleasures pour des influences New Wave pour lancer un petit peu la soirée. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo, il est 22h passé de 34 minutes. Society of Pleasure of Spectres par le groupe Grave Pleasures, et on va passer maintenant à du métal un peu rapide sorti sur le label MNO Music. Il s'agira du groupe Kamala, extrait de cet album Karma, assez court, incisif mais qui est incroyablement jouissif. Karma, ce sera le morceau titre pour une petite leçon de thrash metal. Feel the days. Yes, vous venez d'entendre Kamala avec son album Karma et le morceau titre dans Overdrive, Radio Duo, maintenant du black metal. Pour les amateurs de Dimmu Borgir, des premiers albums des années 90, un black un peu symphonique, mais qui ne se veut pas non plus surproduit et surpoli pour autant. Sur cet album, on retrouve maintenant le chanteur de Frintroll, Vref, un superbe disque que j'apprécie, même si je ne suis pas le plus grand spécialiste de black metal au monde. Ça s'appelle Asgard and Sowing Tombs, sorti sur le label Season of Mist par le groupe End Oceans. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Et toujours dans une veine black metal, on continue avec le groupe Svart Crown, sorti cette fois sur les Acteurs de l'Ombre, produit avec les Terres Brûlées. C'était sorti il y a quelques mois, courant 2022, pour quasiment terminer l'émission. Une émission aussi qui se termine dans la nuit du black metal. Tout de suite, Svart Crown, les Terres Brûlées. Yeah. Svart Crown. Il est maintenant le temps de se quitter dans Overdrive avec le son de Skald Ulduleulfolk qui vient de voir le jour sur une Decca Records Universal Music pour les amateurs de musique païenne nordique. On remercie encore une fois et Meroplan pour l'interview et la fantastique musique. Jetez-vous sur leur album High Tide qui vient de voir le jour sur la Clonosphère. Il est temps de rappeler le www.facebook.com/overdrive-radio-audio et également le www.radio-audio.org et tirer tout simplement ma révérence. Merci, ciao, bye bye.